Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose des regards différents sur le premier conflit mondial. À Verdun, quand la forêt s'en va en guerre. Et à l'ombre des combats, avec Proust face à la guerre. Ce sont des femmes sur tous les fronts et des tirailleurs sénégalais pour des colonies mobilisées. D'ailleurs, comment gagner la guerre ? Par le djihad au service de l'Allemagne ou par l'économie afin de ruiner l'ennemi ? La Grande Guerre, une histoire. Désormais, les candidats au brevet espèrent, comme pour leurs camarades qui ont passé le bac cette année, de la bienveillance de la part des jurys d'examen et du ministère de l'Éducation. On vient de l'apprendre, un premier navire chargé de 7000 tonnes de céréales et protégé par la marine russe a quitté le port ukrainien de Berdiansk, occupé par la Russie. C'est ce qu'ont annoncé les nouvelles autorités désignées par Moscou. La guerre en Ukraine a provoqué une menace sans précédent sur la sécurité alimentaire de nombreux pays. Le temps de ce jeudi perturbé sur la plupart des régions sauf en Méditerranée. Le temps devient menaçant cet après-midi dans l'Est. 10 départements sont placés en vigilance orange aux orages de la Haute-Loire au Haut-Rhin en passant par la Franche-Comté. Les températures comptaient cet après-midi de 17 à 32 degrés. Ces journaux ont été préparés avec Julien Loquet et Nicolas Paumet. Prochain journal à 12h30 avec Thomas Cluzel. En attendant, excellente matinée à l'écoute de France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente la Scala Provence à Avignon. Le coronavirus circule toujours et la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée pour les personnes les plus à risque de faire une forme grave de la maladie. De 60 à 79 ans, un nouveau rappel est recommandé 6 mois après le premier. À partir de 80 ans, un nouveau rappel est recommandé 3 mois après le premier. N'attendez pas. Prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Il est 9h et tout juste 6 minutes. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure du cours de l'histoire. Bonjour Xavier Mauduit. Bonjour Anne Lorchouin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous terminons notre série consacrée à l'écriture de l'histoire de l'Afrique, depuis l'Afrique ancienne, avec les empires d'Éthiopie et puis du Mali. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec les tirailleurs sénégalais. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Tirailleurs sénégalais, les colonies au service de la France. Le 21 juillet 1857, l'empereur Napoléon III se trouve à Plombières pour une cure. À Plombières, les Vosges, les beaux paysages, la ville d'eau, la glace, et oui, avec les fruits confits et le kirsch. Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, le conseil d'amirauté entendu, avons décrété et décrétons ce qui suit. Il sera formé au Sénégal un corps d'infanterie indigène sous la dénomination de tirailleurs sénégalais. Mais sont-ils sénégalais et d'ailleurs sont-ils tirailleurs ? Anthony Guyon, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Ces tirailleurs sénégalais sont-ils sénégalais ? Alors, non. Seulement en partie. C'est vrai qu'au début, quand le corps est créé, les Français sont surtout présents sur le littoral, donc on va appeler ça sénégalais. Au fur et à mesure où on passe des bataillons au régiment, alors c'est vrai qu'en tout, dans le courant du 19e siècle, on va parler de bataillon à Oussa, mais finalement, on va s'entendre au bout d'un moment sur ce terme générique de bataillon sénégalais. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de notre période, bah, comme vous dites, ils sont de moins en moins sénégalais, puisqu'on essaye de privilégier le Sénégal qui est un petit peu plus sur le littoral, et les hommes, on va les prélever un petit peu plus en Afrique occidentale française, un petit peu plus dans les terres. dans la longue histoire des tirailleurs sénégalais. Donc il y a plein d'origines en fait. C'est ça qui est intéressant parce que pour comprendre le fonctionnement de ce qui fait partie de notre patrimoine, hein. Dès qu'on dit tirailleurs sénégalais, tout de suite nous avons des images en tête. Ces images sont liées à un uniforme. Quel est cet uniforme ? Oui, alors c'est vrai que très rapidement, on a des images en tête, notamment la chéchia. Alors au début, l'uniforme va être adapté en fait aux opérations en Afrique et on va garder quelques éléments caractéristiques qui vont devenir, au fur et à mesure, qui vont plus relever du symbole. On pense évidemment au coupe-coupe, mais bon, qui irait imaginer un tirailleur avec son coupe-coupe face à une mitrailleuse allemande ? La chéchia, pareil, au fur et à mesure, qui va perdre un petit peu de son intérêt. Et donc, on a ces éléments qui vont plus relever du symbole. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils vont accompagner le corps des tirailleurs sénégalais sur l'ensemble de leur histoire. Du début à la fin, on va retrouver ces symboles, même si à la fin, les derniers soldats, on parle après de soldats africains sur la fin, veulent que ces éléments qui relèvent désormais de la caricature ne fassent plus partie de leur uniforme. Vous évoquez soldats africains, alors il y a ce mot, tirailleurs, donc nous avons bien compris qu'ils ne sont pas sénégalais en tant que tels, mais il peut y avoir d'autres origines, c'est un terme générique un peu pour ne pas dire colonial. Tirailleurs, ça veut dire quoi ? Tirailleurs ici, alors il faut plus l'entendre si vous voulez par rapport aux soldats coloniaux, notamment cette dimension au sein de l'infanterie, puisque bon, pour l'ensemble des soldats coloniaux, on va parler de tirailleurs indochinois, tirailleurs malgaches. Mais c'est vrai que ça relève des situations différentes, même si dans le cas des tirailleurs sénégalais, comparé à tous les autres, la spécificité vraiment des tirailleurs sénégalais, c'est que ce sont des fantassins. À toutes les guerres, vraiment, il y a une prédominance du fantassin. On estime que le tirailleur n'est pas assez habile, n'est pas assez intelligent pour passer à l'artillerie. Et là, on va plutôt privilégier les Indochinois. Et donc, c'est vrai que le tirailleur sénégalais, je crois que sa spécificité, au-delà des deux termes qui, vous avez bien compris, ne recouvrent pas la totalité de leur réalité, c'est vraiment qu'ils sont au cœur du combat. Ils sont toujours, toujours dans les premières lignes. Pourquoi, en 1857, l'empereur Napoléon III a besoin de ces tirailleurs sénégalais, de ce corps d'infanterie indigène ? Alors, on va dire que ce n'est ni une spécificité française, ni une spécificité militaire. Depuis toujours, les Européens vont recourir à des intermédiaires dans les colonies. Pour la traduction, pour pénétrer un petit peu mieux sur les fleuves. Finalement, pour mieux comprendre l'espace local. Donc on avait notamment les compagnies de commerce qui ont beaucoup utilisé ça. On parle de l'apto au XVIIIe siècle. Et l'apto, c'est quoi ? C'est le nom qu'on donne à ces hommes. Sorte de proto-tirailleurs, mais qui sont très très peu. Hein. Quand Napoléon crée le bataillon, on est à peu près à 500 hommes. Ouais. Et en fait, ici, il y a une opportunité, si vous voulez, c'est aussi l'abolition de l'esclavage. Et donc, dans le cadre de la colonisation, les Français vont se donner le bon rôle, c'est-à-dire il faut aussi qu'on rentre dans les terres pour permettre l'abolition de l'esclavage. Et donc, une fois que l'esclavage est aboli en 1848, Camille Lefebvre, dans son dernier livre, montre qu'au début du XXe siècle, il y a encore des tirailleurs qui sont d'anciens captifs. Si vous voulez, l'armée française va racheter d'anciens esclaves en leur disant, on a payé le prix. Désormais, pour rembourser, il va falloir faire un service militaire. Et c'est là qu'arrive donc Louis Federbe. C'est vraiment lui qui a l'initiative de tout ça. En gros, sur le premier bataillon, vous avez un tiers qui sont d'anciens captifs. Et donc, même si chez Federbe, c'est compliqué, si vous voulez, parce que c'est un abolitionniste convaincu. Mais d'un autre côté, il y a vraiment cette volonté-là, c'est-à-dire, on rentre dans les terres pour se donner le beau rôle, en retenant quand même qu'à la fin des conquêtes, le premier portrait que je fais, c'est Mamadou Racinci, qui est plus qu'un intermédiaire. Très souvent, c'est lui qui est en position de force. Les Français lui permettent d'avoir des esclaves, de donner ceux qui ont été battus comme esclaves à titre de butin, finalement, à ces hommes. Donc, il y a cette relation qui est très, très, très ambiguë à l'esclavage. Oui, parce que l'esclavage, c'est au cœur de ces réflexions. Quand nous évoquons l'esclavage, et notamment l'abolition en 1848, nous pensons à l'abolition de l'esclavage dans les îles. Mais cela a une incidence au cœur de l'Afrique, parce que l'esclavage est présent au cœur de l'Afrique. Et c'est un argument très pratique pour le colonisateur français de dire « Nous venons vous libérer des esclavagistes ». Ah oui, c'est très pratique. Je crois que vous allez bientôt voir Catherine Coquerividrovitch qui vous expliquera ça très bien. Mais quelque part, en fait, l'abolition de la traite, ça crée une augmentation de captifs en Afrique. Et donc, il y a tout ce marché, hein, c'est bien le cas de le dire. Et donc, même si, encore une fois, chez les abolitionnistes, il y a vraiment des hommes convaincus. Mais il y a cette espèce d'opportunité, et peut-être qu'aussi, il y a certains hommes qui le voient comme un processus. C'est-à-dire, l'abolition par décret en 1848, elle va prendre du temps. Mais bon, quand on est à la fin du XXe siècle, dans les campagnes, et qu'il y a encore des hommes qui sont donnés Évidemment, ils n'ont pas le titre d'esclave, mais c'est comme ça qu'ils sont abordés, en tout cas par les Africains. Et c'est là aussi où, finalement, la situation coloniale, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de binaire. Mamadou Racine-Si, bah, finalement, il arrive à tirer son épingle du jeu des deux côtés. C'est un chef reconnu, il parle français, il parle arabe, il est respecté par les tout-couleurs. Et bah, les Français sont obligés de s'appuyer sur cet homme et de lui donner gain de cause parfois. Bah, faisons un petit tour au Sénégal, parce que nous l'entendons bien avec cette expression, ce terme tirailleur sénégalais, c'est là que ça se passe. Seul endroit où, hormis la Réunion, la synthèse était relativement possible, le Sénégal. À cause justement de ces villes créoles qui s'appellent Saint-Louis, Gorée, Rufis, Koutiès. Féderbe l'a souhaité. Et, tout compte fait, le Sénégal de Féderbe a bien été le creuset d'où a rejailli la nouvelle aventure africaine, celle du 19e siècle. Par la côte, et par l'intérieur. Par la côte, à partir de laquelle les Français ont abordé le continent noir de Dakar à Majunga pour se lancer cette fois à la conquête. L'Afrique noire d'expression française présentée à la radio en 1962. Anthony Guillon, qui est Féderbe, ce gouverneur du Sénégal? Quelles sont ses ambitions au moment de réfléchir à créer une troupe d'infanterie indigène? C'est quelqu'un qui est relativement jeune et qui va être soutenu par les milieux économiques pour remplacer le gouverneur Proté au poste du Sénégal. Et quand il prend le poste en 1854, il y a quand même une part de conviction. C'est-à-dire, il faut s'appuyer sur des supplétifs locaux. C'est une solution, parce que de toute façon, ça attire pas les soldats français de venir combattre dans les colonies. Il va falloir s'appuyer sur ces hommes. Et il y a des décisions parfois qui peuvent être mal interprétées. Par exemple, au départ, si vous voulez, les soldats noirs et les soldats blancs sont mélangés. Lui, il insiste pour qu'ils soient séparés. Donc nous, avec nos yeux du XXIe siècle, on va voir ça comme une décision raciste, mais même si évidemment le terme ne serait pas approprié. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il veut les séparer? Bah, comme souvent son ancien esclave, qu'est-ce qu'ils font pour les soldats français? Ils vont faire les corvées, ils vont nettoyer les chaussures, etc. Et lui, en fait, il veut les séparer, c'est un de ses arguments, pour leur donner une vraie formation militaire. Une formation militaire qui sera toujours assez déficiente. Et finalement, oui, c'est vraiment lui qui lance ça, et après, bah, pour les premiers combats, mais encore une fois, à la fin du 19e siècle, on a 6000 hommes. Donc surtout, il ne faut pas surévaluer ce corps sur l'ensemble du siècle. Mais au fur et à mesure, ils vont quand même s'affirmer dans différents combats. Et c'est vraiment, on va dire, dans la décennie 1890, où ils participent au combat contre Samoré Touré, qui est à la tête de l'Empire Wassoulou, l'épisode de Fashoda. Et donc là, ces hommes commencent à s'illustrer et commencent à être vus par ces officiers coloniaux qui vont les... Le terme de promouvoir n'est pas forcément adapté, mais en tout cas qui vont dire qu'il faudrait peut-être s'appuyer davantage sur eux en dehors de l'Afrique. Puisque jusqu'ici, ce sont des opérations de pacification, on participe à l'occupation, mais les missions restent quand même assez limitées. Et donc à la fin du 19e siècle, on va commencer à les utiliser à Madagascar. Et là, l'idée est en train de germer, de les utiliser de plus en plus loin, puisque... bon. Oui, il y a une publicité qui est en partie mensongère, mais on va en faire une sorte de soldat d'élite. On pourrait dire qu'en fait, ces tirailleurs sénégalais ont aidé à la consolidation, voire à l'expansion de l'empire colonial français. C'est un peu comme ça qu'ils sont utilisés. Oui, c'est tout le paradoxe, puisque bon, les tirailleurs sénégalais viennent des territoires où ils combattent. Donc, ils combattent bah, leurs anciens voisins. Il y a cet épisode aussi avec les Amazones. Les Amazones, ces fameuses guerrières qui avaient coupé deux têtes de tirailleurs sénégalais. Donc oui, c'est un combat qui est très difficile à interpréter au départ. Mais ils vont asseoir finalement la position française au fur et à mesure. Ils vont participer à ça. Mais encore une fois, il ne faut pas surévaluer les effectifs jusqu'au début du... On va dire qu'il y a vraiment une augmentation pendant la campagne du Maroc au début du XXe siècle, où là on va passer à 15 000 hommes. Et un saut évidemment quantitatif avec la Grande Guerre. Anthony Guillon, vous avez raison de ne pas ne en mettre trop là sur les représentations, tant pour les tirailleurs sénégalais, pour les Amazones du Dahomey. Beaucoup de fantasmes et beaucoup de gravures dans la presse, on en parle énormément. Les tirailleurs sénégalais, de l'indigène au soldat, de 1857 à nos jours, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Perrin, qui est une étude, alors bien sûr, d'accord, vous nous le racontez très bien, mais aussi une étude au plus près de l'humain. Et c'est ça qui est passionnant. Quand vous nous expliquez que les soldats blancs, et c'est soldats indigènes sont séparés. Comment ça se passe? Déjà, ils sont recrutés comment, ces tirailleurs? Alors, le recrutement évolue sur l'ensemble de la période. On va dire qu'au départ, comme il s'agit de peu d'hommes, on essaye de développer un volontariat. En sachant que la prime n'est pas intéressante, la gloire de l'uniforme, il faut avouer qu'on va le voir très très peu dans les sources, et ce sont des sources essentiellement françaises. Donc on va dire, je crois que le point commun sur l'ensemble de la période, c'est qu'on essaiera toujours de privilégier le volontariat. On accélère pendant la Grande Guerre parce que là, on a besoin d'hommes. Et il y a une grosse erreur en 1915 où là, on prélève de force 50 000 hommes. Et donc, ça va provoquer une guerre dans le Bani-Volta. Une vraie révolte hein, où les Français doivent écraser le mouvement par la force. Il y a des combats fratricides très, très, très violents. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que les leçons sont plus ou moins retenues, dans le sens où il faut trouver un point d'équilibre. C'est-à-dire, il faut avoir un certain nombre d'hommes, mais il ne faut pas que les sociétés se révoltent. Donc, on va essayer de s'entendre avec les chefs de village. On va fixer des quotas. Il faut aussi vous dire qu'il y a quand même, faut jamais dire les Français et les Autochtones. Le ministère des colonies et le ministère de la guerre ne sont pas d'accord. Le ministère de la guerre veut un maximum d'hommes, veut les meilleurs, veut les fils de chefs. Et le ministère des colonies va dire attention, ne prélevez pas trop. Il risque d'y avoir des révoltes. Les fils de chefs, on en a besoin sur place pour asseoir notre autorité. Et donc en 1919, on revient à quelque chose qui a été aboli en France à la fin du 19e, le tirage au sort. Donc on fixe des quotas. On arrive dans les villages et on impose le tirage au sort, en sachant que ça, si vous voulez, c'est sur le théorique. Ce qu'on demande, c'est un certain nombre d'hommes. Et là, il faut bien se dire que les sociétés vont réussir, les sociétés locales vont réussir quelque part à trouver le point d'équilibre. Vous avez, il y a cette image du tirailleur sénégalais, une puissance innée, soldat né, etc. Ma collègue Delphine Peretti-Courtis a travaillé sur les médecins. Et il y a un médecin à la fin du 19e siècle qui crée un indice de robustesse. L'homme noir serait plus fort. Et donc, en fait, on va forger tout ce mythe-là. Et moi, en fait, toutes les statistiques que j'ai trouvées, c'est des taux d'inaptes assez impressionnants, à plus de 70%. Donc, du coup, deux solutions. Soit l'homme noir serait faible, soit les sociétés s'en sont bien tirées. Et qu'est-ce qu'elles font généralement? Les hommes forts, on va les cacher. Le temps que la commission passe, on va présenter des hommes en grande partie inaptes au combat. C'est impressionnant les descriptions qu'on peut avoir. Les Français savent, les Africains savent que les Français savent. Mais le tout, c'est d'avoir un certain nombre d'hommes au fur et à mesure. Mais ce qui est fou, si vous voulez, c'est que quand on rentre, comme vous avez dit, on rentre à hauteur d'homme, c'est que le cliché de l'homme fort, l'homme puissant promu par Mangin ne résiste pas en fait à l'étude. Mais justement, nous allons retrouver Mangin. Alors Mangin, on le connaît souvent comme général. Il a encore une avenue du général Mangin. Mais en 1898, il était capitaine et il participait à l'expédition Marchand. On la connaît bien parce que c'est le moment de Fashoda. Le jeune Charles a décidé qu'il sera officier. À sa sortie de Saint-Cyr, il débarque en Afrique où il a demandé à servir. L'Afrique fascine Mangin et son camarade Andloer qui, à ses moments perdus, peint des aquarelles, envoûtant Afrique pour de jeunes officiers français. Afrique cruelle aussi où pillards et chefs musulmans affrontent nos soldats. À la tête de ses cavaliers, Mangin est blessé à Diéna. Égratignures insignifiantes, santé parfaite, câble-t-il à ses parents. Sous les ordres de Marchand, l'officier participe alors à la plus étonnante expédition française qui va être menée en terre africaine, la traversée du continent de l'Atlantique à la mer Rouge. Un petit vapeur, le Faidherbe, va l'aider à arriver jusqu'au Nil Blanc. Parfois, les Africains de l'escorte creusent avec leurs mains un chenal dans les sous-affluents du fleuve. En 1966, Charles Mangin présenté à la télévision française. Anthony Guillon, Mangin, là, c'est celui qui, comme tant d'autres, admire cette envoûtante Afrique et complètement alors baigné de tous les stéréotypes qu'on peut avoir et des stéréotypes racistes évidents. Mangin est un personnage important de cette histoire. Oui, alors généralement on lui attribue la paternité des tirailleurs sénégalais avec son livre de 1910 qui s'appelle La Force Noire. C'est un livre qui est passionnant à lire, hein, vraiment pas uniquement si on aime les tirailleurs sénégalais, mais bon. Pour résumer, la France serait dans une décadence politique depuis la Révolution française. On est évidemment sur un ouvrage très conservateur. Décadence démographique. Les femmes françaises ne savent plus faire assez d'enfants. Et décadence militaire parce que finalement, on a cédé au confort de la révolution industrielle. L'homme blanc n'est plus un bon combattant. Et à l'inverse, l'homme africain, qui est resté proche, c'est son propos, bien sûr, qui est resté proche de la nature, a gardé cette vertu combattante, cette fameuse furia francese qu'on pouvait voir lors des guerres d'Italie. Il y a cette capacité du soldat africain de rompre le front. Et c'est vrai qu'il a encadré ses hommes. Alors, il ne faut quand même pas lui donner la paternité, parce qu'en même temps, il y a quelqu'un qui réfléchit bien mieux sur les soldats indochinois, c'est le général Théophile Penquin. Et donc, si vous voulez, ces idées-là, elles circulent. Mais c'est vrai que Mangin, notamment, il les observe au Maroc. Il les a vus à Fashoda, il les observe au Maroc, et lui, il est persuadé, en fait, sa hantise, c'est que l'armée française, de toute façon, est moins nombreuse que l'armée allemande. il faut compenser. Et il est persuadé vraiment que l'Afrique, alors déjà l'Afrique, il se trompe complètement, hein, mais c'est un réservoir d'hommes complètement inépuisable. Donc on peut prélever à volonté, les sociétés sont d'accord, là encore il se trompe. Et il y a cette capacité, voilà, dans la guerre qui est en train de s'annoncer, il y a vraiment cette capacité de rompre le front. Et il les a observés au Maroc, mais il y a déjà des officiers comme Hubert Lyautey au Maroc qui dit « Attention, ces soldats, on doit les retirer pendant les mois les plus froids, on doit les retirer du combat ». Donc ça provoque des jalousies forcément. Et donc on va perdre en fait en cohésion au sein des unités. Et donc si vous voulez, Hubert Lyautey dit, si jamais vous les faites venir en Europe, ce sera compliqué. Donc si vous voulez, Mangin est un personnage clé, mais il ne faut vraiment pas le voir comme le seul, voilà, à chaque fois on reprend ce terme force noire, etc., comme la seule personne qui réfléchit là-dessus. Il y a d'autres personnes qui réfléchissent, et de manière un petit peu plus subtile quand même. Et tous ces gens-là sont tributaires de... la construction de l'image du sauvage qui a été nécessaire pour la colonisation parce que il fallait le civiliser, ce sauvage-là. Mais à l'inverse, du point de vue militaire, le sauvage est bien pratique. C'est celui qui va combattre. Anthony Guillon, concrètement, pour ces gens, donc vous nous l'avez dit, il y a un tirage au sort. Alors bon, on arrive à esquiver plus ou moins, mais enfin, ça y est, il y a des hommes qui sont tirés au sort. Ils ne sont pas mélangés avec les soldats blancs. Ça se passe comment? C'est-à-dire, il y a deux camps parallèles? Alors, ça dépend. Pour l'instant, si vous voulez, on peut rester sur la fin du 19e siècle, pardon, en Afrique. En Afrique, ça peut paraître assez bizarre, mais ce sont les Français qui vivent en camp et les soldats africains qui rentrent chez eux le soir après l'entraînement. Et en fait, cette logique de camp, on va plutôt la développer avec le Maroc. D'ailleurs, au Maroc, les femmes peuvent venir. On a toute une série de clichés où, là encore, on veut vendre l'armée noire. C'est-à-dire avec des femmes qui sont à moitié nues, on vend la polygamie, on met plein d'enfants à côté, etc. pour vraiment promouvoir cette idée, si vous voulez, de réservoir inépuisable en hommes. Donc là, ils vivent dans les camps, mais on leur laisse une certaine liberté. Et à partir du moment où ils vont être en France, si vous voulez, pendant la Première Guerre mondiale, c'est plutôt d'octobre à avril, on les retire dès 1914. On les retire et on les met dans des camps de Gironde, mais surtout du Var. Pour qu'ils soient formés. Mais surtout, en fait, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de pneumonie, de gelure, et que finalement, ils ne peuvent pas combattre durant les mois d'automne et d'hiver. Dans cette histoire, vous l'avez dit, il y a des femmes. C'est ça qui est intéressant. En Afrique, au moins, évidemment, quand ces tirailleurs sénégalais sont envoyés en Europe, non, les femmes ne suivent pas. Mais en Afrique, c'est une histoire qui est beaucoup plus large que celle de soldats, hommes, embarqués dans l'armée française comme tirailleurs sénégalais. Il y a les femmes aussi qui sont présentes. Il y a des femmes qui... Alors, les femmes ont le droit de suivre les opérations et donc de vivre dans les camps, y compris pendant les opérations en Afrique. Alors, Mangin, justement, dans son livre, relate quelques campagnes où certaines auraient combattu, toujours pour vendre ce courage, mais très souvent, elles restent derrière. Il continue à y avoir une certaine vie de famille. Les Français payent, y compris pour le Maroc. On est prêt à payer le voyage, mais il faut que la femme parte tout de suite, puisque la femme africaine serait volage. C'est-à-dire, si jamais l'homme s'éloigne trop longtemps, elle en trouvera un autre. Donc c'est assez intéressant quand on suit les sources, parce qu'on a toujours ces clichés qui reviennent. Mais les femmes sont présentes, on va dire, jusque pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, avec la Première Guerre mondiale, elles ne peuvent plus suivre. Et là, c'est terrible, parce que vous êtes habitués à recevoir des historiens de la Première Guerre mondiale, et on insiste sur ce lien épistolaire. Il n'y a plus aucun lien pendant la Première Guerre mondiale. On peut juste envoyer trois types de mots. Bien, malade, mort. C'est les seuls mots que vont recevoir la famille, tandis que le soldat africain n'a aucune nouvelle de sa famille. Là, vous touchez quelque chose d'essentiel, parce que c'est très difficile aussi à cerner ces petites choses, mais qui font le cœur de l'existence, c'est l'échange. Donc, des tirailleurs sénégalais à qui on n'a pas appris à écrire, donc qui ne peuvent pas échanger. D'ailleurs, la question de la langue se pose aussi. Quelle langue est parlée ? Alors, en effet, comme vous dites, la langue est très intéressante, puisque on parle toujours finalement de la langue entre les Français et les tirailleurs, mais au sein même des tirailleurs, on va parler plusieurs dialectes, c'est Sylvain Denhaven qui a travaillé là-dessus. Souvent, il y a toujours une possibilité de trouver un moyen au sein des unités qui, au bout d'un moment, vont finir par trouver un terrain d'entente. On dit que c'est le Bambara qui l'emporte, mais ça dépend quand même des lieux. Après, une fois en France, on va très souvent passer par l'interprète. Et donc là, tout doucement, on y arrive, c'est-à-dire ce fameux parler tirailleur. C'est-à-dire, attention, quand vous parlez aux tirailleurs sénégalais, ne conjuguez pas les verbes. C'est-à-dire, on va rester avec des verbes à l'infinitif et donner les ordres comme ça. Et c'est assez intéressant quand on compare les manuels. Et une fois de plus, avec les indochinois et les malgaches, les ordres ne sont pas les mêmes. On dit toujours, pour les tirailleurs sénégalais, ne faites pas compliqué. Parlez simplement, ne conjuguez pas les verbes et répétez le geste. Montrez le geste plusieurs fois, c'est comme ça qu'ils comprendront. Et à l'inverse, pour les Indochinois, on a des explications qui sont relativement développées. Et moi, du coup, un des intérêts de l'ouvrage, mais dans ma thèse, j'avais découvert en fait des copies, si vous voulez, des dictées de sous-officiers tirailleurs sénégalais qui écrivaient à l'imparfait, au passé composé, sans faute d'orthographe. Et c'est là que c'est passionnant de finalement faire tomber un petit peu tous ces clichés. Et on ne parle pas de Léopold Sédar Senghor, hein. On parle ici d'hommes qui sont de simples sous-officiers qui n'ont pas marqué les sources, mais qui écrivent dans un français parfait. Léopold Sédar Senghor, qui au moment de la Seconde Guerre mondiale a été tirailleur sénégalais. Dans cette histoire, Anthony Guyon, il y a l'importance des sources, mais vous l'évoquez, vous êtes historien, vous enseignez à Sciences Po, des sources qui nous conduisent à Moscou. Et là, c'est étonnant. Que vient faire la Russie dans cette histoire ? Oui, alors évidemment, mon travail, comme dit François-Xavier Fauvel, hein, on est sur un puzzle, et donc c'est pas moi qui ai amené toutes les pièces du puzzle tout seul. Il y a plein de gens qui ont déjà travaillé sur les tirailleurs sénégalais. Mais sur ma thèse, c'est pas moi qui ai été exceptionnel, c'est plutôt les sources qui ont été trouvées. En fait, si vous voulez, les sources sur l'entre-deux-guerres, je voulais vraiment travailler sur l'entre-deux-guerres pour me concentrer finalement sur le cœur du bataillon, sur le cœur du soldat. Et donc, ces archives avaient disparu. Pourquoi ? Parce que les Allemands les ont pris en 1940, les Russes les ont prises à Berlin en 1945. Et donc, l'histoire de ces sources est passionnante. Parce que les Russes ne les rendent pas. Et par exemple, quand De Gaulle joue au chat à la souris avec Kennedy et Lyndon Johnson, Khrouchtchev, pour le récompenser, lui rend quelques sources. Et à la fin des années 1990, Vladimir Poutine dit « c'est bon, vous renvoyez tout en France ». Et quelques années plus tard, c'est là que j'ai eu une certaine chance, puisque les sources n'étaient pas classées. Et au SHD, j'ai pu y avoir accès avec quand même un traitement de faveur dans des horaires relativement élargis. Service historique de la Défense à Vincennes, notamment parce que c'est sur d'autres sites aussi. Ces sources sont très importantes, ces sources qui ont transité par l'Allemagne, par l'URSS, avant de revenir en France. Et parmi les sources, il y a également les témoignages, parce que, et vous l'étudiez bien, ce sont des destins, ce sont des vies, des gens qui se souviennent. Ici Ning François, territoire du Sénégal. Ici El Hadji Ismaël Diouf, Kaoulak. Ici Krissi Traoré, Alto Alta. Ici Bajors, la Côte d'Ivoire. Ici Diaz Daniel, Sénégal. Le plus ancien d'entre eux a commencé la bataille de France par Verdun. Maintenant, avec 88e bataillon, j'ai fait avec M. Sapel, commandant Sapel. C'est lui que de là que je suis. Première blessure. Première blessure en quelle année ? 6 mars à 1916. Mon général, mars 16, c'est avant Mars 16, la bataille de Verdun venait de commencer. Elle venait de commencer, c'est tout les derniers jours de février. Et comment avez-vous été blessé ? J'ai blessé flanc gauche. Oui, mais comment ? Un éclat d'obus. Oui, justement, j'ai tous les trucs là. Mais je ne peux pas vous montrer tout de suite. Ah, c'est pas. À la radio, on ne voit pas. Oui. À la radio, il faut le raconter. Et oui, il faut tout raconter à la radio. Les anciens tirailleurs sénégalais, interrogés en 1957, donc pour le centenaire de la création de ce corps. Les tirailleurs sénégalais, les témoignages sont importants aussi, Anthony Guyon, dans cette étude que vous consacrez aux tirailleurs sénégalais. Oui, alors les témoignages sont en effet importants, même s'ils restent relativement rares. Et il faut aussi tenir compte que finalement, les témoignages dont on dispose sont des gens qui ont gardé un contact avec la France. Donc très souvent, le regard sur le corps des tirailleurs sénégalais, bon là on pourrait prendre les derniers qui nous restent, qu'on fait l'Algérie et l'Indochine et l'Algérie. Donc ces hommes-là ont un regard. Il y a un point sur lequel il n'y a pas de débat, c'est la question des pensions. Là vraiment là-dessus, ils sont intraitables à juste titre, mais parfois ils ont des propos sur la colonisation française qui peuvent nous paraître surprenants, quoi. Ou certains disent que c'est plutôt positif, c'est-à-dire que la France soit venue en Afrique. Donc, les témoignages sont bien sûr intéressants, notamment pour avoir ce ressenti, ce vécu du quotidien, mais il faut le replacer dans le contexte, il faut aussi voir les témoignages qu'on n'a pas, et très souvent, ce sont des hommes qui sont rentrés en Afrique, qui ont coupé tous les ponts, finalement, avec cette expérience. Et donc, les témoignages, on a des professeurs qui ont travaillé là-dessus dans les années 80, comme Marc Michel, comme Daniel Domer-Cloarec, et qui ont pu aller chercher des témoignages, donc là, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et là aussi, on va avoir des points de vue qui sont très divergents. Mais il faut aussi tenir compte des hommes qui ont décidé de ne pas laisser de traces et réfléchir sur cette question-là. D'ailleurs, y a-t-il un profil type du tirailleur sénégalais ? Alors, j'ai conclu chaque chapitre justement avec un portrait à chaque fois pour montrer que le portrait type du tirailleur sénégalais n'existe pas. Parce qu'on parle quand même d'hommes sur plus d'un siècle. dans des contextes radicalement différents. On va trouver des gens plus patriotes que patriotes, comme Adiba, Charlène Tchoréré, qui sont fiers de mourir pour la France. Charlène Tchoréré, avant de prendre une balle dans la tête par les Allemands en juin 1940, écrit une lettre à son fils Jean-Baptiste, où il explique tout le sens de ce que c'est que combattre pour la France. Son fils meurt le lendemain des blessures au combat. Et on va voir d'autres hommes qui vont avoir un profil plus en rébellion contre l'autorité française. Et ici, je pense à Lamine Senghor, qui a combattu à Verdun, sur la Somme, au Chemin des Dames, qui a subi une attaque au gaz moutarde qui sera irréversible pour lui, et qui après va rentrer dans le militantisme anticolonialiste, qui s'oppose à Blaise Diagne, qui fait des discours avec Jacques Doriot quand il était communiste, bien sûr, et qui va mourir en 1927, alors qu'il a eu la nationalité française, mais des suites de ses blessures, et en ayant un discours très virulent contre la présence française en Afrique. Le moment Première Guerre mondiale pour les tirailleurs sénégalais, ou en tout cas pour l'image qui est donnée d'eux, est vraiment essentiel. C'est quoi en fait les tirailleurs sénégalais pendant la guerre ? C'est vrai que là, c'est sur cette guerre qu'ont le plus travaillé les historiens. On parle de 200 000 hommes, donc il y a les questions du recrutement qui se mettent en place. Ils vont participer à plusieurs combats. Alors parfois, ça va leur donner cette image que j'essaye de faire tomber du héros, mais en tout cas, ils sont présents à la reprise de Douaumont à la fin de l'année 1916, à la défense de Reims en 1918. Ils subissent des pertes terribles au Chemin des Dames en 1917, où le général Nivelle avait dit qu'il faut utiliser les Noirs pour économiser le sang blanc. Donc si vous voulez, vraiment, la Première Guerre mondiale va aussi faire un distinguo avec les autres puissances européennes qui utilisent tous des troupes coloniales. Mais les Français sont les seuls à amener des soldats noirs, ce qui va créer un point de tension avec les Allemands, bien sûr, qui vont bien s'en servir. C'est-à-dire, vous nous accusez de commettre des exactions dans le nord de la France, mais regardez ce que vous faites. Vous amenez des Africains en Europe. C'est terrible. Et ils sont soutenus en ce sens par les Anglais. Alors, à demi-mot pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais ne sont pas tout à fait d'accord, mais dès 1919-1920, Lloyd George en personne, je reprends ses termes, il dit « il ne faut plus d'armées nègres en Europe ». Ce sont ses termes. Et donc, il y a vraiment ici une spécificité française qui va leur permettre aussi de mieux comprendre ces soldats. Et pendant tout l'entre-deux-guerres, ils vont être utilisés sur différents fronts. Mais vraiment, ce moment est décisif. Et finalement, si en 1914, Joffre n'est pas tout à fait d'accord pour leur utilisation, en 1918-1919, il n'y a presque plus de débat, en tout cas, sur l'utilité des tirailleurs sénégalais. Le corps a évolué d'ailleurs, parce qu'après la Première Guerre mondiale, on imagine bien que, comme il n'y a plus de débat, une autre formation est imaginée, avec sans doute des effectifs un peu plus grands. En effet, on va arriver sur quelque chose de plus structurel. Bon, il y a le pacifisme en France, il y a les pertes de la Première Guerre mondiale, on diminue le service militaire pour les Français, et donc là, pendant que les Français vont passer petit à petit à 18 mois, on va passer en fait pour les tirailleurs à 36 mois, mais en encourageant fortement à ce que, quand c'est un conscrit, il transforme cela en volontariat avec des engagements, des rengagements. Et donc là, on arrive sur quelque chose de plus structurel. On va dire que sur l'entre-deux-guerres, on est à 8 à 12 000 hommes recrutés par an. Donc Charles Mangin avait dit qu'on pouvait faire 12 000, 15 000. Les hommes sur place disent on peut arriver à 8 000 par an sans provoquer, hein, ce sera toujours l'objectif, sans provoquer de révolte sur place. On va réfléchir un petit peu mieux à la formation. C'est excellent, puisque bon, on a des carnets entiers de formation, mais la formation, notamment militaire, sera toujours assez médiocre. Et en tout cas, la formation intellectuelle, donc on travaille beaucoup le français, mais imaginez les cours d'histoire, par exemple. Les cours d'histoire, l'Afrique avant était une terre pleine de ressources. Malheureusement, les Africains ne pouvaient pas prélever ces ressources à cause des guerres intestines. Heureusement, les Français sont venus, ils ont mis fin aux guerres, ils ont aidé à exploiter les ressources. Et pareil avec l'instruction civique. Il faut expliquer que la France est une terre de liberté et d'égalité, alors qu'on ne la permet pas dans l'Afrique. Donc, il y a tous ces débats dont sont parfaitement conscients les cadres de l'état-major. Ils réfléchissent jusqu'où doit-on enseigner les valeurs françaises avant qu'ils les retournent contre nous. Et dès la Première Guerre mondiale, on a évidemment des Africains qui disent... Voilà, il y a certaines contradictions ici. Et puis c'est une histoire de va-et-vient, parce que ces Africains qui reviennent en Afrique après avoir participé au combat en Europe, rapportent les images qu'ils ont vues, ils racontent. Ça a un effet, ça aussi, pour les populations africaines. Et c'est là aussi où il y avait certains opposants au fait qu'on fasse venir. Et oui, là, les Allemands, même les Allemands en Afrique avaient dit qu'il ne faut pas que les soldats noirs voient les hommes blancs combattre contre eux. Et finalement, on a vu l'homme blanc faiblir. Ce qu'on voyait pas, ce qu'on n'imaginait pas en Afrique. On a vu l'homme blanc pleurer, faire des mutineries, etc. on a vu que peut-être l'homme blanc, on pouvait le battre. Ce qui était déjà arrivé évidemment en Afrique, hein, mais tout ça va confirmer. Et donc on revient avec des idées, voilà, un petit peu à l'image de Lamine Senghor, bien sûr, où on va être pénétré par certaines de ses idées. Mais en tout cas, sur le plan militaire, il n'y a plus cette idée d'invincibilité, qui sera confirmée encore plus par la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque bon, là pour le coup, sans les soldats africains, le combat aurait été beaucoup plus compliqué. Oui, la Seconde Guerre mondiale, moment très important aussi, avec toujours ce regard très complexe porté sur ces troupes particulières, parce qu'on veut les laisser particulières. Comment sont exposés les tirailleurs sénégalais, alors pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette petite Seconde Guerre mondiale, ce que je veux dire, c'est la drôle de guerre, c'est-à-dire on prépare les combats. Oui, il faut bien distinguer en fait les soldats de la France libre qui vont arriver un petit peu plus tard, qui viennent essentiellement d'Afrique équatoriale française, des soldats qui sont déjà en France en 1940. On est à peu près sur 60 000 soldats au moment où démarre la campagne de France. Ce sont des hommes généralement qui étaient engagés depuis 1937, 1938. D'autres vont arriver en cours de route, mais dans les combats de mai-juin, on en a à peu près 20 000 qui sont faits prisonniers. Et donc là, ça va prendre un caractère particulier dans certains endroits, hein, pas de manière systématique. Mais bon, les Allemands, l'armée allemande, à coup de propagande nazie, on parle beaucoup des bâtards rhénans. C'est-à-dire, il y a eu des troupes coloniales pendant l'occupation de la Rhénanie en 1919-1920. Les soldats africains n'étaient même pas arrivés, hein. Il y avait des soldats malgaches et maghrébins. Il y a eu quelques relations, consenties ou non, mais pour l'essentiel, c'était des relations consenties. Et en fait, Hitler a vraiment, il a lancé la stérilisation en 1937 de ces gens-là. Donc on arrive avec une véritable haine envers ces hommes. Et donc en juin 1940, hein, dans certains endroits, par exemple autour de Lyon, dans la Somme, on fait sortir les prisonniers, c'est donc interdit, on fait sortir les tirailleurs sénégalais, une balle dans la tête. Et donc là, ça c'est terrible. Et les autres hommes, en fait, vont partir en prison. Alors au début, on voulait les amener en prison en Allemagne. Tout de suite, évidemment, au nom de l'idéologie nazie, on va les mettre dans des fronts stalag en France, donc dans différents camps prisonniers. Et là, bon, c'est assez variable, mais au fur et à mesure, certains réussiront à s'enfuir, comme Adiba. Et donc voilà pour le côté, en fait, en France, de ces soldats d'AOF. Et puis, ça, c'est les soldats qui étaient en France au moment des combats de l'offensive allemande de 1940. Et puis après, mais la guerre se poursuit, et la guerre se poursuit aussi en Afrique. Radiodiffusion nationale vous parle. Si nous n'avions pas sous les yeux les foyers désarroi de la défaite, nous savions très bien notre géographie et qu'il y avait une Afrique française, des colonies françaises, et que tout cela signifiait quelque chose. Puisqu'il s'agissait de la vie ou de la mort de la France, c'était notre devoir d'essayer le traitement suprême. L'Afrique française libre, au secours de la France. En mai 1942, Félix Eboué, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, s'exprimait. Alors là aussi, eh bien, les tirailleurs sénégalais sont au cœur de cette histoire complexe de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que l'ensemble des colonies ne sont pas exactement dans les mêmes choix pendant la guerre. Oui, d'ailleurs, on aura quelques combats fratricides, hein, finalement. Des soldats qui sont du côté de l'armée de Vichy et d'autres qui vont rejoindre De Gaulle. Donc, ce sera pareil du côté des tirailleurs sénégalais. Mais très vite, en fait, bon, bah, vous avez passé le passage qui était nécessaire avec Félix Eboué. L'Afrique équatoriale française rallie De Gaulle. Elle rallie De Gaulle et assez rapidement, hein, c'est-à-dire après quelques territoires du Pacifique. Et en fait, là, la France libre va avoir un espèce de bastion territorial duquel remonter, tout doucement, vers l'actuelle Libye. Et ensuite pouvoir préparer les différents débarquements. Il s'illustre notamment à Bir Hakeim, en 1942, vous avez Georges Koudoukou qui est décédé, hein, qui a été fait compagnon de la France libre, pardon. Et donc au fur et à mesure, on réorganise un petit peu ces hommes pour pouvoir préparer donc la campagne d'Italie et aussi l'opération Andeville. Ils vont débarquer en masse, hein, lors de l'opération Andeville, ils participent à la libération de Toulon, de Marseille, même si ce ne sont pas toujours des combats acharnés, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ils ont répondu présent. Et au fur et à mesure, on remonte vers Lyon. On prépare la campagne d'Alsace. Ces hommes, on les remplace. Clermiot parle d'hérésie militaire. Hein. On remplace ces hommes par des résistants, par des membres des forces françaises intérieures. Et là, on emploie ce mot qui est terrible, hein, mais c'est le mot qui est parfaitement adapté. On blanchit les troupes. C'est-à-dire, on remplace d'authentiques soldats qui ont fait leur preuve, qui évoluent en formation militaire, par des résistants qui sont bien sûr tout à fait légitime sur le plan politique, mais en tout cas sur le plan militaire, c'est difficilement compréhensible. Et là, on va avancer les arguments climatiques. On va partir en Alsace, on va partir en Allemagne, ça va être trop compliqué. Et là, ces hommes le vivent extrêmement mal parce qu'en plus, il n'y a pas l'équipement nécessaire, donc ils doivent retirer leur tenue, leurs armes et donner ça au FFI. Dans ces conditions très particulières de la Seconde Guerre mondiale, la vie des tirailleurs sénégalais est une horreur, en fait. Il faut le dire, d'être sans cesse, alors vu par les Allemands, mais d'une manière... voilà, ils sont considérés comme des animaux. Et vous nous dites aussi que de l'autre côté, ils ne sont pas si considérés que ça. Et il y a malgré tout cette idée que ce sont des guerriers vaillants et qu'il faut envoyer en premier au front. D'ailleurs, tous ces prisonniers des Allemands, on le sait bien, hein, il y a des massacres très faciles. Le tirailleur sénégalais ne reste pas longtemps prisonnier. En tout cas, un peu moins que les Français. Il y a des pertes supérieures par rapport aux prisonniers français ? Dans les camps, c'est assez difficile d'avoir des chiffres. On a notamment quelques fuites, on a évidemment quelques exactions. Mais en fait, au fur et à mesure, ces camps, comme on est en France, sont assez mal surveillés. Et donc, il y a beaucoup de fuites. Hein. Adiba, c'est comme ça qu'il s'était engagé dans la résistance. Donc, la vie dans les camps, elle est assez particulière. Mais vous avez raison, finalement, en 1944, on a des hommes donc, qui ont dû donner leurs armes alors qu'ils étaient prêts à combattre. On a d'anciens prisonniers qui n'ont pas été reconnus. Et donc, on a tous ces hommes-là qui sont regroupés dans des camps, dans le sud de la France, mais aussi dans le Finistère, qui s'ennuient. Et là, on commence à avoir un climat de dénonciation de l'autorité coloniale, etc. Et tout doucement, alors, il faut pas tout mélanger, hein. On a beaucoup d'indiscipline, mais en fait, en décembre 1944, c'est là qu'il va y avoir le massacre de Tiaroy en Afrique, pour des hommes en fait, qui ont demandé que de percevoir ce qui leur était dû. Et donc, bon, les chiffres, pour l'instant, on est à 70 morts. Les chiffres sont encore difficiles à savoir, il faudra peut-être des travaux archéologiques pour vraiment savoir ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà, globalement, tout le monde, la plupart des personnes s'entendent au moins sur 70 morts, dans des conditions terribles, des hommes qui demandaient juste ce qui leur était dû. Et ce jour-là, nous sommes le 1er décembre 1944, pas très loin de Dakar, Léopold Sédar Senghor écrit un poème. Prisonnier noir, je dis bien prisonnier français. Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France ? Est-ce donc vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage ? Est-ce vrai que la haine des banquiers a acheté ses bras d'acier ? Et votre sang n'a-t-il pas ablué la nation oublieuse de sa mission d'hier ? Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang ? On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. Recevez ce sol rouge, sous le soleil d'été, ce sol rougi du sang des blanches hosties. Recevez le salut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais, morts pour la République. Le poème liminaire de Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, donc c'est encore un profil de tirailleur sénégalais au sens où nous avons un homme qui commence ses études et qui s'engage au moment de la guerre. Ce massacre en 1944, c'est aussi, alors on peut pas dire une rupture parce que nous ne sommes pas du tout comme ça, mais comme une confirmation de la non-reconnaissance du rôle de ces tirailleurs sénégalais. Oui, il y a toute une série d'incidents sur place. Alors, il est vrai que les historiens qui travaillent dessus montrent que c'est très difficile de calculer une pension. Tous les hommes n'ont pas perçu les mêmes choses, tous les hommes ne doivent pas percevoir la même somme. Toujours est-il que, bon, ce malentendu, quand, une fois qu'ils sont rentrés à Dakar et donc au camp de Tiaroy, on demande que chacun rentre chez soi, et bon, non. On veut percevoir maintenant ce qui est dû. On sait très bien que si on rentre chez nous, on ne percevra pas ces sommes. Et donc là... Voilà, au-delà des chiffres, au-delà des querelles d'historiens, peu importe le nombre de morts qu'il y aura, finalement, on termine quand même sur un épisode qui est terrible. C'est un massacre pour des hommes qui ont répondu présent à l'appel. Et donc, finalement, après, y a quelques hommes qui vont faire ce travail de mémoire nécessaire, mais on termine quand même sur une tragédie. Et pourtant, dès 1946, les tirailleurs sénégalais, donc d'autres, parfois les mêmes, partent en Indochine. On a 60 000 hommes qui vont partir en Indochine. C'est énorme hein, quand on dit 60 000 hommes, parce que c'est un bloc tel qu'on le prononce, mais c'est 60 000 vécus, 60 000 destins. Ces tirailleurs sénégalais sont-ils encore utilisés pendant les guerres de décolonisation ? Oui. Alors, et vous allez dire, j'aurais employé beaucoup de fois le mot terrible aujourd'hui, mais c'est terrible ici parce que du coup, le tirailleur sénégalais va aussi être vu par les siens, par les Africains qui sont en train, l'Afrique subsaharienne, hein, qui sont en train de demander l'indépendance au Maroc, en Algérie, en Syrie, comme le bras armé finalement du colonialisme. Ce que les autorités françaises craignaient en Indochine, c'était que ces hommes aient une sympathie pour les Viet Minh. Il y a une sorte de solidarité décoloniale. Ça ne s'est pas mis en place. Et alors, on le craint beaucoup plus en Algérie, ce qui explique aussi, mais il y a une question chronologique, qu'il y aura beaucoup moins de tirailleurs en Algérie. Généralement, d'ailleurs, on va utiliser ceux qui ont fait l'Indochine. Parce qu'on craint ici une solidarité musulmane. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de solidarité décoloniale. Et donc, ces hommes, au fur et à mesure où leur pays devient indépendant, bah, on leur demande, qu'est-ce que tu préfères ? Repartir dans ton pays et donc, voilà, tu n'es plus tirailleur sénégalais, continuer à servir la France et donc, voilà, on verra au fur et à mesure ce qui peut être obtenu. Et donc là, au fur et à mesure, il y a les questions des pensions qui se mettent en place. Bref, l'histoire se termine aussi de manière très compliquée. Hein. Oui, parce qu'il y a ce système où la pension est figée au moment de l'indépendance du pays. Alors, c'est sûr que le temps passe, les gens continuent à vivre, mais l'argent ne bouge pas. Anthony Guyon, les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats de 1857 à nos jours. Alors, les tirailleurs sénégalais, existent-ils encore à nos jours ? Alors, en fait, le corps disparaît entre 1958 et 1962, mais je voulais vraiment aller au bout, c'est-à-dire suivre ces hommes. Hein. Je termine sur Yoro Diao, qui est toujours vivant, hein, qui a bondi et qui fait partie des 28 tirailleurs qui ont obtenu la nationalité française par François Hollande la dernière année de son mandat. Et je voulais vraiment aller au bout pour réfléchir aux questions de mémoire, pour voir ce qui nous reste. Et finalement, en aucun cas, ce livre sera pionnier. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont combattu pour ces gens, des gens dans des associations, des historiens, des hommes politiques, qui ont voulu qu'on reconnaisse leur histoire. Et donc, voilà, dans la mémoire aussi. Dans la mémoire, ils ont profondément avancé. Donc c'est vrai que sur la question des pensions, ça a été très tardif. Il a fallu attendre Nicolas Sarkozy et au fur et à mesure, ça s'est débloqué. Mais évidemment, chaque année qui passe, vous l'avez dit, bah, les hommes disparaissent. Et donc ce travail de mémoire, il a été fait en partie depuis. Et puis il y a tout un travail de déconstruction, mais c'est presque la mission des historiens, des historiennes. Vous évoquez ce triptyque Banania, Chechia, Koupkoup. C'est ça le tirailleur sénégalais tel qu'il a été réduit pendant longtemps. Non, vous montrez que ce n'est pas ça, sans en faire des héros. Oui, je crois que bon, tous ceux qui ont fait une thèse, on a toujours eu un cliché finalement sur leur sujet. Bon, bah moi, dès que je dis le mot tirailleur sénégalais, on me sort l'un de ces trois mots. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de déconstruire ça pour finalement retrouver l'homme dans sa banalité. Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, le rapport aux femmes, d'accord. Il y a bien sûr, il y avait des bordels réservés aux soldats coloniaux, mais je me suis rendu compte que parfois certains de ces hommes venaient juste boire un soda, essayer de rencontrer quelqu'un qui connaissait l'Afrique et discuter. Et finalement, ce que je voulais à tout prix faire, c'était une histoire banale. Mon portrait, le portrait auquel je suis le plus attaché, c'est le portrait d'Eliassa, puisque c'est un homme banal, ce serait une sorte de Louis-François Pinago d'Afrique. Et voilà, je voulais vraiment, finalement, je me suis dit, je voulais quitter le sensationnel pour vraiment faire une histoire globale. Et même en allant chercher des choses banales, je trouve que c'est comme ça qu'on comprend finalement la vie d'hommes qui ont eu un parcours, même les hommes qui ont fait Verdun. Finalement, s'ils ont servi 7 ans, bah Verdun est peut-être, oui, la pointe émergée de l'iceberg, mais je voulais vraiment comprendre ce qu'il y avait en dessous. Et c'est en cela que les tirailleurs sénégalais Goupillet chez Perrin est un ouvrage passionnant, parce que c'est une histoire qui est au plus près des individus. Et ça, c'est très fort, avec une réflexion aussi sur le regard africain porté sur les tirailleurs sénégalais. Anthony Guyon, vous avez des retours, venus alors du Sénégal, entre autres, mais vous avez bien compris que ces tirailleurs sénégalais n'étaient pas tous sénégalais. Oui. Alors, les retours sont variés, même bon, s'ils sont encore assez limités, viennent essentiellement du Sénégal. Mais on se rend compte aussi que sur place, la mémoire du tirailleur a été compliquée, puisque quand les pays sont devenus indépendants, bah, les tirailleurs avaient servi l'armée française. Donc il a fallu un certain temps avant que ça se mette en place. Et bon, bah, au Sénégal, par exemple, il a fallu attendre le début des années 2000 pour que le président mette en place le 23 août la journée du tirailleur. Et même en Afrique, finalement, la mémoire du tirailleur est un objet, pas de polémique, mais au moins de débat. En tout cas, cette mémoire nationale du tirailleur sénégalais, parce que à côté de ça, il y a la mémoire familiale. Alors là aussi, j'imagine qu'au moment de travailler sur les tirailleurs sénégalais, il y a plein de gens qui doivent vous dire « Ah, mais moi, mon grand-père, ah là là là là !» Parce que tout de suite, ça évoque énormément de choses. Et là, on touche au plus intime, c'est souvent la famille. Oui. C'est là, vous savez, où c'est passionnant, parce que sur la Première Guerre mondiale, très souvent, on a employé le terme de chair à canon, et les historiens avons dit hein, que c'était un mythe, c'est-à-dire les pertes étaient similaires. Ce qui est vrai sur le plan des chiffres. Mais quand on rencontre les gens, c'est très dur d'imposer en fait, un point de vue scientifique. Quand on vous dit, c'était pas notre guerre. Et même finalement, s'il y a eu trois pertes, même si les pertes étaient inférieures, c'était pas notre guerre. On n'avait pas à mourir pour cette guerre-là. Et je trouve que c'est ce qui est très intéressant. J'ai pu échanger avec des gens très proches des tirailleurs, des descendants comme Aïssa Tasek, qui a permis la nationalisation des 28 derniers tirailleurs. Et vraiment, en tant qu'historien, on prend une leçon d'humilité quand même quand on est confronté au cœur de notre sujet. On veut toujours fuir l'émotion en tant qu'historien pour atteindre cette fameuse objectivité qui ferait débat. Mais je trouve que c'est bien de rencontrer voilà, des personnes, d'être confronté à l'émotion et de comprendre aussi que bah, ce sujet, il a une âme. Faire l'histoire, hein, c'est ça aussi. Ben, écoutez, merci beaucoup à vous, Anthony Guyon, les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats, donc de 1857 à nos jours. Et vous venez de nous expliquer pourquoi. C'est publié chez Perrin avec le soutien du ministère des Armées. C'est important aussi d'avoir ce soutien, parce que c'est aussi peut-être une forme de reconnaissance de ces tirailleurs sénégalais. Merci vivement à vous. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment éliminer les incorrigibles ? La solution des bagnes de Guyane. Sous la Révolution française, des prêtres, des monarchistes et des députés révolutionnaires furent déportés dans les bagnes ouverts en Guyane. Sous le Second Empire, ce sont les criminels condamnés aux travaux forcés qui furent soumis à ce type de peine. Loin d'y mettre fin, la Troisième République l'étendit à des individus considérés comme des récidivistes parce qu'ils avaient été condamnés pour des délits le plus souvent mineurs comme le vol, l'escroquerie ou le vagabondage. La loi du 12 mai 1885 sur la relégation des récidivistes est fréquemment cité comme un moment clé dans l'histoire pénale républicaine. Au moment même où se mettaient en place les fondements essentiels de notre système démocratique, cette loi introduisit dans le corpus juridique français une mesure de sûreté avant la lettre, appliquant aux récidivistes une peine qui ne résultait pas d'une qualification criminelle, mais d'une accumulation de condamnations. Au-delà d'un certain nombre d'infractions, la justice considérait qu'un individu était irrécupérable et qu'il fallait s'en débarrasser en l'expédiant au bagne. La relégation n'avait rien à voir avec la déportation, peine résultant d'une condamnation politique, ni même avec la peine des travaux forcés réservés aux crimes les plus graves et qui s'effectuaient depuis 1854 dans des bagnes coloniaux. Pourtant, le livre que Jean-Lucien Sanchez a consacré à l'histoire des délinquants récidivistes montre que le sort de beaucoup de relégués fut aussi terrible que celui des autres bagnards. L'ouvrage retrace le destin de 22 000 condamnés à la relégation en Guyane entre 1887 et 1953. Il décrit minutieusement l'extrême précarité dans laquelle ils ont vécu. Le travail forcé, la sous-nutrition, les maladies comme le paludisme, la dysenterie, la fièvre jaune et même la lèpre expliquent les taux très élevés de mortalité. L'auteur évoque même une véritable hécatombe pendant la Seconde Guerre mondiale, période au cours de laquelle succombèrent 80% des relégués. Pour échapper à cet enfer, certains d'entre eux tentaient fréquemment de s'échapper. C'est ce qui incita les autorités à durcir les mesures de répression. Ces récidivistes de la fuite furent regroupés dans une catégorie inédite de détenus appelés les coutumiers d'évasion. Soumis à un système de corvée disciplinaire, ils furent utilisés comme une main-d'œuvre gratuite pour les travaux de déforestation et pour la construction du chemin de fer. Au départ, le pouvoir républicain avait espéré que cette colonie pénitentiaire puisse devenir une colonie de peuplement. Voilà pourquoi deux types de relégation avaient été prévus. D'une part, le régime collectif fondé sur l'internement et le travail forcé, et d'autre part, le régime individuel autorisant l'installation indépendante des relégués sous forme d'engagement ou de concession. Mais ce fut un échec total puisqu'un nombre infime de relégués purent accéder à l'autonomie. En 1923, le journaliste Albert Londres dénonça dans une série d'articles l'enfer des bagnes de Cayenne et de Saint-Laurent du Maroni en Guyane. Ce fut le début d'une mobilisation humanitaire qui aboutit à leur fermeture progressive à partir de 1938, mais il fallut attendre 1953 pour que les derniers forçats soient rapatriés en métropole. Merci Gérard Noiriel, c'était encore une fois très clair. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Hugo Renard. Une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Judès, Jeanne Delecroix, Margot Vielle, Shirley Adélaïde et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et sur l'application Radio France où vous retrouvez aussi le pourquoi du comment de Gérard Noiriel, toujours aussi clair.